Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Le 23 février dernier, dans la revue Nature, l'astrophysicien Michael Gillon et son équipe de l'Université de Liège en Belgique rapportaient avoir observé une étoile appelée TRAPPIST-1 autour de laquelle orbitaient sept planètes susceptibles d'habiter de l'eau liquide en surface. Alors, la parution de cet article a créé un emballement médiatique tel qu'il a fallu remettre les pendules à l'heure. Alors, aujourd'hui, pour mesurer la portée de cette découverte, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour, Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors, Jean-René, la première annonce qu'on a faite de cette découverte remonte à l'an passé. Et à ce moment-là, les chercheurs avaient observé seulement trois exoplanètes et non sept comme maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment les astronomes procèdent pour repérer des étoiles qui ont des planètes qui gravitent autour d'elles, et ensuite nous expliquer pourquoi on a observé seulement trois planètes au départ alors qu'on en observe maintenant sept autour de TRAPPIST-1. On a maintenant plusieurs techniques pour détecter et observer des planètes autour de leur étoile. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et chacune va un peu être biaisée. Par exemple, pour l'imagerie, donc d'imager directement des planètes, on va le faire avec une technique qui est l'optique adaptative, qui permet finalement de regarder très très proche d'étoiles, et d'étoiles relativement proches, je veux dire très proches de l'étoile angulairement, parce que les planètes autour d'une étoile sont très peu lumineuses, si elles le sont lumineuses, et elles seraient perdues dans la brillance, l'éclat de l'étoile même. C'est un fait. Donc, et c'est une technique finalement qui va être restreinte à découverte des étoiles, comme je le disais, qui ont des planètes qui seraient elles-mêmes lumineuses, donc des systèmes très jeunes qui auraient des espèces de grosses Jupiter en orbite autour d'elles. Donc, il y a un système que je connais bien, qui a été d'ailleurs détecté par le télescope Gemini, où je travaillais, à Hawaï. Et c'est un système de quatre grosses planètes qui orbitent à une distance plus lointaine que ce qui correspond à la distance de Neptune autour du Soleil. Donc, c'est une technique, et elle est limitée, comme je le dis. Une autre, c'est de regarder le mouvement apparent de va-et-vient d'une étoile par des techniques spectroscopiques, qui est dû au fait que une planète, même si sa masse est peu faible, attire gravitationnellement l'étoile vers elle-même. Donc, et ça créera, si on observe longtemps, une espèce de va-et-vient qu'on peut mesurer. Ça demande beaucoup de patience. Mais ça, c'est l'étoile qui bouge un peu. C'est là. L'étoile qui bouge un peu, et la planète. Le système est en orbite autour de son centre de masse. Donc, c'est une technique très bien établie qui fonctionne depuis aussi la fin des années 90. Mais la technique qui s'est révélée surprenant la plus puissante pour détecter des planètes, c'est de finalement regarder beaucoup d'étoiles dans le ciel et supposer qu'un certain nombre de systèmes planétaires autour de ces étoiles auront une orientation qui va être exactement dans la ligne de visée. De sorte que les planètes qui tournent autour de leur étoile vont, de temps en temps, lorsqu'elles passent devant l'étoile, créer une petite éclipse. On le voit ici, quand la Lune passe devant le Soleil, on voit l'image, la projection de la Lune sur le Soleil, ce qui n'est pas le cas quand on regarde très très loin, mais on voit finalement la luminosité, la brillance du Soleil diminuer. Donc, cet effet d'éclipse ou d'occultation a été utilisé maintenant depuis une douzaine d'années de façon systématique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un champ d'étoiles et on le regarde, on prend des images, des images du même champ d'étoiles pendant des mois. Et maintenant des années. Et c'était l'objectif et l'accomplissement d'un télescope dans l'espace qu'on a appelé le télescope Kepler, du nom du grand astronome de la Renaissance. Et le champ d'étoiles qu'on regardait, c'est toujours le même. Donc, on mesurait à peu près 200 000 étoiles à la fois. Okay. Et finalement, sur 200 000 étoiles, statistiquement, 6 étoiles ou des planètes, il y en aura certaines qui auront le plan de leur planète exactement dans notre ligne de visée. Et ces étoiles, lorsque la planète passe devant, verront une espèce de petit blip, une fraction d'affaissement de la brillance apparente de l'étoile, d'une fraction de pourcent. Et nos appareils sont suffisamment sensibles pour qu'on puisse justement repérer cette minuscule... En fait, ce qui a été étonnant, c'est que la technique a été mise au point dans l'espace, même si maintenant on peut le faire au sol avec de petits télescopes, parce qu'on a vraiment appris comment le faire. Donc, il y avait deux choses, c'est d'être dans l'espace, donc on n'a pas les effets de fluctuation, de transparence de l'atmosphère. Et aussi, la caméra qu'on avait établie permettait d'observer un très grand nombre d'étoiles. Je parlais d'environ 200 000 étoiles en même temps. Donc, la plupart de ces étoiles ne varient pas sur une période très, très courte. Et donc, là, il fallait, avec des banques de données, rechercher tous les objets qui avaient ces petits blips. Et évidemment, si vous regardez, si vous êtes un observateur qui a observé le Soleil de loin et vous êtes dans le plan du système solaire, bon, les planètes prennent quand même pas mal de temps à faire une orbite. Donc, c'est un fait. Mercure, qui est la plus proche, prend 80 jours. Donc, si Mercure passe devant, une petite affaire de rien, vous allez avoir un petit blip tous les 80 jours. Vénus, 225 jours. Donc, vous auriez un petit blip tous les 225 jours. La Terre, tous les 365 jours à peu près, et ainsi de suite. Il faut que les planètes soient bien alignées, parce que, par exemple, si on reprend l'exemple que vous avez nommé, mettons la Lune entre la Terre et le Soleil, la Lune passe entre la Terre et le Soleil tous les mois, mais on observe une éclipse seulement qu'une fois de temps Exactement. En temps. Exactement. Là, ce qu'il fait, c'est le grand nombre d'étoiles. Il y a des milliards d'étoiles. Donc, quand on regarde un champ relativement proche, parce que les étoiles vont être à peu près toutes de la même distance, ou qu'il y aura de grandes différences de distance, dans les 200 000 ou 150 000 ou 200 000 qu'on peut suivre à chaque image, statistiquement, il va y avoir quelque chose qui va être orienté correctement pour en détecter des passages de planètes. Donc, c'est cette technique qui est à l'origine, en fait, de la détection de TRAPPIST-1. Est-ce qu'on on appelle ça la technique du transit, ça? Oui, exactement. Okay. La technique du transit ou du passage. Okay. Donc, et en fait, ayant bien établi cette technique-là, beaucoup d'astronomes se sont mis à construire de petits télescopes au sol et à faire des suivis en faisant des choix de champ. Et on dit, on va faire la même chose. Et ça marche. En fait, il y a deux façons de le faire. Souvent, l'observatoire Kepler, qui observe tout le champ, souvent, on demande à faire des suivis, à faire des suivis par des petits télescopes au sol. Donc, il y a plusieurs équipes au sol, même des amateurs, qui font des suivis de champs d'étoiles comme ça pour en détecter ces passages qui trahissent la présence de planètes. Donc, TRAPPIST, c'est le nom du programme, donc c'est un acronyme. D'accord. Le T, là, c'est Terrestrial, donc et tout, qui est mené par cette équipe belge que vous avez mentionnée, basée à l'Université de Liège, et qui opère deux télescopes. Un dans l'hémisphère nord, un dans l'hémisphère sud. Donc, on se donne tous les champs. Les deux télescopes sont robotisés. Et les deux télescopes, ce sont des petits télescopes. Les diamètres ont 60 cm de diamètre. Donc, c'est pas énorme, ce sont des petits ça, télescopes. Hein. Beaucoup d'amateurs ont ce genre de télescopes. Les télescopes sont robotisés et ils ont d'excellentes caméras qui prennent des champs d'étoiles. Généralement, on a ciblé une ou deux étoiles dans ces champs-là. Donc, rapidement, on a repéré un objet qui était sujet à de passage ou petites éclipses, et c'est le système qu'on appelait TRAPPIST-1. Donc, ce qui est étonnant, c'est que cet objet-là fait partie d'une classe d'étoiles qu'on a négligée au départ dans la recherche de planètes, qui est une étoile qui est parmi la classe d'étoiles les plus nombreuses dans la Voie lactée, qu'on appelle les naines rouges, des étoiles beaucoup moins massives que le Soleil. OK, oui, effectivement. Mais si on revient à ma question initiale, Jean-René, pourquoi est-ce qu'on a observé seulement trois exoplanètes au départ, lors des premières observations, et maintenant sept, c'est parce que... Déjà, qu'on a observé trois au départ, c'était déjà un coup de chance assez extraordinaire. Ah, oui, donc, première chose, c'est qu'il y a... cette étoile-là est particulière, et l'unicité de ce système, de cette planète, c'est que les planètes, elles sont tous un peu autour de la taille de la Terre. Donc, on sait que ce genre de planète existe, comme on sait qu'il y a beaucoup de genres Neptune dans l'univers. Mais ce qui était étonnant, et pourquoi on en a trouvé trois, c'est que les planètes sont très proches de leur étoile. L'étoile est petite aussi. Hein? L'étoile est petite. L'étoile a à peu près un dixième de la masse du Soleil. Donc, elle est à peine une étoile. Si sa masse était plus faible, elle ne pourrait pas faire de combustion nucléaire. Elle serait comme une grosse Jupiter. Donc, elle est au seuil de ce qu'un objet doit être pour générer suffisamment d'énergie au centre et élever la température pour déclencher des réactions nucléaires. Donc, ces étoiles-là sont petites. Donc, vous pouvez imaginer que c'est une étoile qui est une masse relativement faible. Donc, on parle d'un peu plus du dixième de la masse solaire, et dont le diamètre est à peu près le dixième de celui du Soleil. Donc, c'est une étoile qu'on appelle naine rouge, parce qu'elle est de couleur rouge, parce que sa température à la surface, elle est basse. Et c'est une étoile dont le volume est relativement petit. Elle est à peine plus grosse que Jupiter, mais beaucoup plus massive que Jupiter. Si vous dites que le rayon est 10 fois plus petit, ça veut dire que le volume est... Le rayon va être proportionnellement relativement petit aussi. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ce système, peut-être qu'il est courant, mais celui-là, on l'a détecté. On a trouvé trois parce que les planètes elles-mêmes sont très proches de leur étoile. Donc, ils font beaucoup d'ombre. C'est ça. Donc, ça tourne souvent. En fait, la période des sept planètes, celle qui fait son année, est d'une journée. Donc, elle fait le tour de son étoile en une journée. La plus lointaine fait le tour de son étoile en 12 jours. Donc, les trois premières, on a tout de suite vu un signal qui se répétait souvent, rapidement. Ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire... Donc, c'était détecté par le télescope TRAPPIST-SUD, qui est au Chili, à un site que je connais bien, que j'ai visité souvent. Donc, toujours le télescope est automatisé, dans le sens que chaque soir, quand il fait sombre, la coupole s'ouvre, le télescope pointe sur son champ et fait toutes les observations automatiquement toute la nuit et le matin. Tout s'arrête, se referme, et les chercheurs ont des systèmes automatisés pour analyser les données. Donc, il y a un an, on en trouve trois. Et là, ça a mis la puce à l'oreille à certains qu'il faut suivre cet objet-là. Il y en a peut-être d'autres. Et en particulier, on a mis en œuvre un télescope qui est dans l'espace depuis plusieurs années, le télescope Spitzer, qui a été mis en orbite en 2003 pour observer des objets froids dans le ciel. Donc, c'est un télescope qui était initialement refroidi pratiquement quelques degrés au-dessus du zéro absolu à l'aide d'hélium liquide. Et on s'en servait pour observer des objets astrophysiques qui émettent dans l'infrarouge. Et on a mis ce télescope-là en orbite pour être loin de la Terre, pour ne pas être réchauffé par la Terre. Donc, le télescope est sur une orbite autour du Soleil, à la même distance que la Terre, mais il est en avant de nous, sur notre orbite. Donc, il est loin, mais suffisamment proche pour qu'on communique. Pourquoi on a pu utiliser ce télescope-là pendant une vingtaine de jours? C'est que le télescope est limité dans ses capacités maintenant parce qu'il n'a plus de refroidissant à part. OK, d'hélium liquide. C'est ça. Donc, on a un petit télescope de 85 cm. Dans l'espace, qui n'a pas ses capacités initiales, mais qui peut faire toutes sortes de projets en support de programmes comme celui de TRAPPIST. Donc, c'est avec lui, en faisant le suivi plus longtemps et dans l'espace, qu'on a trouvé les quatre autres planètes. Donc, on a mis toute la famille ensemble jusqu'ici et il est possible qu'il y ait d'autres planètes à distance beaucoup plus grande. Et il faudra attendre un peu plus de temps pour voir ces passages, surtout si c'est de l'ordre de l'année terrestre. Autrement dit, on voulait avoir le télescope le plus sensible possible au moindre infrarouge. Parce qu'en fait, l'infrarouge, c'est de la chaleur. Donc, il faut refroidir. Si vous voulez observer des étoiles à partir de la Terre, dans notre environnement, il faut éteindre les lumières. Donc, première lumière à éteindre, il faut éteindre le Soleil. Donc, on attend la nuit. Donc, quand on arrive dans l'infrarouge, et c'est un peu un effet qui est plus subtil, c'est qu'il faut essayer de s'isoler de toutes les sources d'infrarouge qui dominent autour de notre environnement. Parce que la température ambiante, qui est de l'ordre de 20 degrés Celsius, je fais une moyenne générale, ou de 200, ou à peu près 300 degrés Kelvin, c'est là où on maximise le rayonnement des corps dans le domaine infrarouge. Non, je comprends. Donc, mais oublions cet aspect-là. Oui. Il n'y avait pas besoin d'infrarouge pour observer les passages des quatre autres planètes autour de TRAPPIST-1. En fait, vous disiez tout à l'heure que c'était une étoile d'un type qui est quand même assez abondant dans l'univers. Oui, le nombre d'étoiles dans l'univers, et ce n'est pas seulement dans notre galaxie, est en quelque sorte inversement proportionnel à leur masse. Ah, OK. Donc, plus une étoile est massive, moins il y en aura. Et plus une étoile est de faible masse, plus il y en aura. Et c'est il y a probablement la majeure partie des étoiles dans notre Voie lactée sont des étoiles qui ont une masse plus petite que le Soleil. Et ce sont des étoiles particulières. J'ai fait mention tantôt que ce sont des étoiles qui ont une masse très faible, mais suffisante pour avoir une température centrale pour déclencher les réactions nucléaires, qui est la combustion de l'hydrogène en hélium. Mais plus la masse est faible, moins la température centrale sera élevée, mais suffisante pour brûler, entre guillemets, l'hydrogène en hélium, mais plus la réaction sera lente. Donc, ces étoiles auront des durées de vie de l'ordre du trillion d'années. Si on parle de, ça veut dire 10 à la 12? 1000 milliards d'années. Donc, 10 à la 12, énormément plus longue en longévité que l'âge de l'univers actuel. Donc, le Soleil, qu'on parle comme étant une étoile de masse moyenne, a une durée de vie totale de 10 milliards d'années. Donc, imaginez des objets qui vont continuer à vivre 100 fois plus longtemps que notre Soleil. Et est-ce que les observations ont permis de découvrir où Trappiste en est dans son cycle de vie? Est-ce qu'on est plutôt au début ou à la fin? Ça, c'est la chose. Les observations sont en cours. On pense que l'étoile est relativement vieille parce que ce genre d'étoile a une atmosphère qu'on appelle convective. Donc, qui va être sujette à des éruptions solaires. On parle du cycle solaire de 11 ans qui passe par des phases où le nombre d'éruptions qui est dû à des mouvements qui font annihiler les champs magnétiques à la surface, des genres de court-circuits. Donc, des étoiles comme Trappiste 1, des petites naines rouges, elles sont petites, peu massives, mais ces étoiles, quand elles sont jeunes, auront une activité magnétique extrêmement intense, auront des émissions de rayons ultraviolets, de rayons X très intenses. Donc, moi, je suis très curieux qu'on détermine l'âge parce que ces phénomènes vont zapper tous les volatiles, tous les éléments volatiles qu'ils vont avoir à la surface de planètes proches, comme le système dont on parle autour de Trappiste 1. Donc, c'est pour ça que je mettais bien les pieds sur les freins quand on parlait de présence possible d'eau. C'est tout de la spéculation. Il n'y a aucune base comme telle. Et même les hypothèses de formation des étoiles font en sorte qu'il est très peu probable qu'il y ait de l'eau à la surface de ces planètes. Donc, il faut faire très attention. Donc, il y a eu un peu de surenchère, incluant par la NASA. Ce qu'on sait, d'abord, c'est que oui, la température à cette distance de l'étoile, elle est modérée et qu'on appelle zone tempérée. Et si l'eau pouvait exister, elle serait potentiellement sous forme liquide à la surface de ces dites planètes. Mais il y a aucune évidence que c'est le cas, et même il est possible que les conditions de formation et d'évolution de ces planètes font en sorte que l'eau a été volatilisée, éjectée et perdue par ces systèmes. Parce qu'est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il y a peut-être déjà eu de l'eau dessus, mais il n'y en a plus, là? Non, je pense que, au contraire, je pense que l'eau est initialement perdue par ces systèmes, par les planètes proches de leurs étoiles, comme l'eau a été perdue par les planètes terrestres qui se sont formées plus proches du jeune Soleil, parce que les conditions à l'intérieur du système protoplanétaire ont fait en sorte qu'il y avait un chauffage qui, en quelque sorte, vaporisait, volatilisait tout ce qui était genre volatile, genre glace, d'eau, d'ammoniac ou de méthane. Donc, l'eau est apportée ultérieurement par des objets extérieurs qui viennent tomber sur les objets plus proches dans le système intérieur d'étoiles qui auraient des systèmes planétaires. Donc, il faut faire bien attention de faire des hypothèses comme celle de proposer qu'il pourrait avoir de l'eau. Et ensuite, je voyais des titres, on parlait même de possibilité de vie. Là, c'était étirer le bonbon, là, pas mal. Oui, c'est un fait. Donc, c'était une surenchère là, qui était pas tout à fait dans l'ordre des choses. Mais en fait, quand même, si on s'en tient au communiqué de presse de base et à la conférence de presse des scientifiques, les résultats présentés sont très corrects, mais faut quand même, faut pas s'énerver, entre guillemets. Ouais, c'est un fait. Mais ouais. Ça arrive souvent que des trucs comme ça sont récupérés. Ouais. Ouais. Parfois, chez la NASA souffre de ce péché-là oui. Trop fréquemment. Et moi, ma suspicion ici, qu'il y a eu un petit peu de surenchère, c'est d'abord que cette mission Spitzer est définitivement remplie et accomplit pleinement sa mission initiale. Et ça coûte de l'argent pour rester en communication avec la sonde spatiale Spitzer. J'imagine. Et donc, c'est une façon de mousser l'utilité de Spitzer, surtout dans un contexte où on ne sait pas trop ce qui se passera dans le financement de ce genre de projet par la nouvelle administration aux États-Unis. Oui, tout à fait. Au fait, Jean-René, cette étoile, est-ce qu'elle est visible à l'œil nu ou non. Ça prend absolument un télescope pour la voir? Un télescope, pas un gros télescope. Donc, juste pour revenir, donc je parlais des télescopes 60 cm, là, comme je disais, ce sont des genres de télescopes qui sont, que des amateurs astronomes ont. Et ce qui fait la différence ici, c'est toute son automatisation, sa robotisation et tout, qui exige des investissements qui sont majeurs. Donc, il y en a un au Chili, pour l'hémisphère sud, et l'autre est dans les monts Atlas, au Maroc. OK. Lui aussi, donc on appelle un Trappiste Nord au Maroc et Trappiste Sud au Chili. Est-ce que ça veut dire qu'elle est dans l'hémisphère nord, qu'elle est visible, cette étoile-là, pas tout le temps de l'année, non, j'imagine? Non, elle est peut-être visible à partir de l'hémisphère sud. Là. Je ne sais pas quelle est sa constellation et sa déclinaison dans le ciel, mais elle était vraiment détectée dans l'hémisphère sud. Donc, c'est-à-dire qu'elle est mieux placée dans l'hémisphère sud. Ce champ d'étoiles qu'on observait est mieux placé pour l'hémisphère sud. Et elle se trouve loin de notre système? Non, l'étoile, en fait, elle est suffisamment proche, 39 années-lumière, ce qui est relativement proche. Les étoiles les plus proches de nous sont à peu près à 4 années-lumière, donc elle est à peu près 10 fois plus loin que les étoiles les plus proches. Donc, suffisamment proche qu'on peut utiliser la technique directe de détermination de distance, qui est celle de la technique de triangulation. Donc, on connaît très, très bien sa distance. C'est une donnée là, importante pour dériver d'autres facteurs comme la masse, comme l'âge éventuellement. Et est-ce qu'on connaît beaucoup de détails sur les satellites, en fait, les planètes? Très peu. On très, connaît très peu. Très peu. La seule chose qu'on connaît, c'est que à partir d'une synchronisation des périodes orbitales de chacune des planètes. Donc, autant il n'y a pas de comme Vénus tourne en 225 jours, nous en 365 jours, Mercure en 80 jours. Ce ne sont pas des multiples de jours l'un de l'autre. Ce qui est étonnant dans le système de cette planète, les périodes orbitales des planètes sont des multiples l'une de l'autre. Je me souviens plus des rapports. Donc, disons que la première, la plus proche, tourne en 1 jour.2. Donc, la deuxième va faire le tour exactement en 3 fois le temps de la planète 1. La troisième planète va faire le tour de son étoile 5 fois. Donc, il y a une synchronisation. Donc, c'est en résonance. Okay. Donc, c'est comme quelqu'un qui se balance. C'est que vous donnez des poussées et tout. Vous pouvez tout mettre en synchronisation avec la poussée et la personne qui fait le mouvement de va-et-vient. Donc, de ça, on a pu finalement dériver par des calculs de mécanique céleste la masse de ces planètes. OK. Donc, c'est ce qui nous a permis de déterminer par ces rapports de synchronisation entre les périodes orbitales, on a pu dériver la masse de ces planètes et éventuellement avoir une meilleure valeur. Et également, je pense que toutes les planètes présentent la même face à l'étoile, l'hypothèse qui suit phénomène que je viens de décrire qui vient plus tard les planètes elles-mêmes, surtout si elles sont de petite asymétrie, qu'elles ne sont pas parfaitement sphériques, vont s'orienter en quelque sorte pour que la même face fasse face à l'étoile constamment. C'est la force de marée qui crée ça, j'imagine? Oui, c'est un genre de force de marée comme telle qui vient à bout de verrouiller ces périodes-là de rotation de l'objet sur lui-même et de l'objet autour de l'étoile et de la famille d'objets autour de son étoile pour en faire des synchronismes assez étonnants. Mais ça, est-ce que ça démontre que, je veux dire, le système était en équilibre depuis très très longtemps, ça, pour que c'est un indicateur oui. d'âge en okay. effet. Donc je pense avoir parce que notre vu... système solaire est pas comme ça. Non. Ah. Ben nous en fait c'est que aussi les planètes sont beaucoup plus loin. Donc ici ce qui fait qui permet ce système, c'est que les planètes sont très proches de l'étoile. Donc, les forces de marée vont être importantes. Très fortes, donc, plus on est proche, plus les effets de marée vont être importants et vont produire cet effet. Mais on a ces effets-là autour de certains satellites de Jupiter. Donc, ah bon, OK. Donc, ces effets de synchronisation dus aux forces de marée. Donc, un système, et il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre, parce que on sait déjà par le programme Kepler, qui en a identifié, 3 000 ou 4 000 systèmes qui ont possiblement des exoplanètes en révolution autour d'un certain nombre d'étoiles relativement proches. Donc, c'est un autre système d'observation, beaucoup plus simple que d'avoir un satellite en orbite et beaucoup moins coûteux comme programme, et qui a commencé à donner des résultats. Et je suis certain que grâce à ces résultats, beaucoup d'autres vont s'embarquer dans des programmes semblables. Et alors, espérons-le. Malheureusement, Jean-René, c'est tout le temps qu'on a. Alors, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. Alors, je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval.